Chapitre 39. Il oubliait tout, le malheureux, et le collier qu'il avait apporté, et l'endroit où il était, et les gens qui l'entouraient, tout excepté un nom qui frappait la voûte de son crâne et retentissait dans son cœur effroyablement. Robert Charlemont. Robert Charlemont était l'amant de sa femme, et sa femme avait un amant. Était-ce possible? Rêvait-il? N'était-il pas fou? Et tout en marchant dans la rue, sans rien voir, sans rien entendre, il se répétait. Geneviève, Robert, trompé par sa femme, trompé par Robert, pouvait-il être rien de plus atroce pour lui? Sa femme qu'il avait tant aimée, la mère de ses enfants, et Robert, un Charlemont. Et elle avait accepté de l'argent de cet enfant. Cette coquine que Robert aimait, pour laquelle il se ruinait, c'était Geneviève. Mais alors? Et devant cette interrogation, il reculait épouvanté. Le vol du mandat, Essery, Tasté, tout était donc possible? Verrait-il jamais clair au fond de l'abîme qui venait de s'ouvrir devant lui? Devait-il y regarder? Il se heurtait aux gens qui le repoussaient et l'interpellaient pour sa maladresse. En traversant une rue, une voiture faillit l'écraser et le cocher l'accabla d'injures. Il ne voyait pas, il n'entendait pas. Imbécile, fou, inerte, il allait devant lui, incapable de se conduire. Il fallait qu'il entrât quelque part pour tâcher de se reconnaître, pour se reprendre s'il le pouvait. Que n'avait-il été écrasé par cette voiture? Ce serait fini. Quel soulagement! Il pensa instinctivement à son bureau. Il s'y enfermerait. Après la première explosion, il retrouverait peut-être un peu de raison pour réfléchir et voir ce qu'il devait faire. Car il devait faire quelque chose. Mais quoi? Au moment où il traversait son entrée, son garçon de bureau l'arrêta pour lui dire que le commissaire de police l'attendait depuis quelques instants déjà et qu'il était avec M. Charlemont dans le cabinet de celui-ci. Le commissaire de police, maintenant? Que voulait-il? Que venait-il lui apprendre? Son premier mouvement fut de s'enfuir, car il ne pourrait jamais répondre à ce qu'on allait lui dire. Et bouleversé, affolé comme il était, il ne pouvait pas paraître devant M. Charlemont, le père de Robert. Mais déjà le garçon de bureau lui avait ouvert la porte pour l'introduire dans le cabinet de M. Charlemont. Il entra. Suivant son habitude, M. Charlemont, qui se trouvait ce jour-là en retard, était venu pour voir Fourcy à la maison de banque, de belle humeur comme à son ordinaire, et bien loin de ce qui se passait à ce moment même. Ne trouvant point Fourcy, il avait voulu se retirer au plus vite, heureux comme un écolier qui ne rencontre point son professeur et qui a la chance d'échapper à une corvée, lorsque le commissaire aux délégations était survenu. « C'est Fourcy que vous venez voir ?» avait demandé M. Charlemont. « Oui, monsieur. Il n'est pas ici et je ne sais quand il rentrera. » Le commissaire de police avait hésité un moment, puis il s'était décidé à demander à M. Charlemont quelques instants d'entretien que celui-ci ne lui avait accordé que d'assez mauvaise grâce. Tout ce qui se rapportait à ce vol l'ennuyait et jusqu'à un certain point l'inquiétait. S'il en avait eu le moyen, depuis longtemps, il aurait fait abandonner les recherches de la justice. « Monsieur, je vous écoute, » avait-il dit au commissaire en s'asseyant et en prenant la pose ennuyée avec laquelle il écoutait les importuns. « Tout d'abord, j'ai regretté de n'avoir pas trouvé M. Fourcy, » avait dit le commissaire. « Mais il vaut mieux qu'il en soit ainsi, et c'est vraiment un heureux hasard qui me fait vous rencontrer. Le coup qui va frapper ce pauvre M. Fourcy sera peut-être moins rude, lui venant de vous, pour qui il a une si profonde amitié, que de moi. » « Quel coup ! » Alors le commissaire avait raconté ce qui s'était passé le matin à Nogent. « Vous avez soupçonné Fourcy, le plus honnête homme du monde ? Un modèle de probité, de délicatesse, d'honneur ?» s'était écrié M. Charlemont, se levant indigné. « Ce n'était pas nous qui l'accusions, c'était les circonstances. et il avait expliqué comment la disproportion existant entre les ressources de Fourcy et le milieu luxueux dans lequel il vivait avait éveillé les soupçons de certaines personnes et donné naissance à des bruits que la justice avait dû éclaircir. De là l'interrogatoire de Fourcy qui avait été déplorable. De là celui de Madame Fourcy qui avait été plus déplorable encore, mais qui avait eu au moins ce résultat de montrer jusqu'à l'évidence que les soupçons, en se portant sur Fourcy, s'étaient égarés. Mais si la parfaite honorabilité du mari éclatait au jour, la femme se trouvait gravement compromise. En nous parlant d'opérations et de spéculations faites par l'entremise de gens morts, il était évident que Madame Fourcy nous trompait et voulait nous empêcher de contrôler ses dires. Pourquoi ? Très probablement parce qu'elle n'en avait pas fait que de bonnes. Si elle avait perdu, n'avait-elle pas pu être amenée à s'emparer d'un mandat blanc et à le faire remplir et toucher par quelques complices ? Avant tout, ce qui s'imposait à nous, c'était donc de chercher si elle avait éprouvé ces pertes que nous soupçonnions. Après l'enquête que nous avions faite sur M. et Mme Fourcy, ainsi que sur leur entourage, nous savions que Mme Fourcy entretenait des relations suivies avec un coulissier, M. Laparisière. Et il était raisonnable de supposer qu'elle avait pu se servir du ministère de ce coulissier pour ses opérations. C'était donc auprès de lui que nous devions poursuivre nos recherches, ce que nous avons fait tout de suite en arrivant à Paris, car il n'y avait pas de temps à perdre. Madame Fourcy, menacée, devant agir vivement de son côté pour essayer de se défendre. Nous ne nous étions pas trompés. Monsieur Laparisière a été obligé de reconnaître qu'il avait été le courtier de Madame Fourcy, laquelle, dans les affaires Hennecker, avait perdu 300 000 francs. 300 000 francs ? Oui, juste la somme volée. Non seulement elle avait perdu cette somme, mais elle l'avait payée, et payée sans vendre d'autres valeurs, en 300 billets de 1 000 francs qu'elle avait remis de la main à la main à M. Laparisière. Comment avait-elle pu se procurer cette somme ? Depuis assez longtemps déjà, M. Charlemont avait abandonné sa pose nonchalante et c'était avec une angoisse visible qu'il écoutait ce récit. Ces derniers mots l'avaient fait se dresser par un mouvement involontaire. Vous voyez que nous ne nous étions pas trompés. Nous ne nous étions pas trompés davantage en supposant que Madame Fourcy, effrayée, ne perdrait pas de temps pour organiser sa défense. Comme nous étions en train d'interroger M. Laparisière, elle est arrivée. Sa présence seule était un aveu, car que venait-elle faire chez Laparisière si ce n'est prévenir notre enquête. Je l'ai prié alors de vouloir bien m'accompagner chez monsieur le juge d'instruction, qui, après l'avoir entendu, l'a mise en état de détention. Arrêtée ? Cette mesure douloureuse ne pouvait pas être plus longtemps différée. Sans ressources connues, Madame Fourcy a trouvé le moyen de payer 300 000 francs. Comment s'est-elle procuré cette somme ? Il y a pour elle obligation d'autant plus rigoureuse à répondre qu'ayant eu entre les mains un cahier de mandat de la Banque de France, elle n'a pas pu représenter un de ces mandats qui a été volé, prétend-elle, et qui, rempli et signé par un faussaire, a été présenté à la banque, laquelle a payé au porteur 300 000 francs, somme égale à celle que Madame Fourcy devait. Nous, nous soutenons que c'est elle qui a dérobé le mandat et que c'est son complice qui l'a touché. Nous n'avons pas encore le complice, mais le meilleur moyen de le découvrir c'est d'avoir entre les mains le coupable principal. Et nous l'avons. Maintenant, il est probable que nous n'aurons plus besoin que de quelques jours, de quelques heures peut-être, pour trouver ce complice. Aussi, nous aurons mené à bonne fin une affaire qui, je vous l'avoue, nous a donné du tracas. Non qu'elle fût compliquée ou mystérieuse, mais parce que ces acteurs occupaient un rang social qui rendait nos recherches assez difficiles et nous imposait en tout cas une certaine délicatesse dans nos procédés d'investigation. Si par ces quelques mots discrets, le commissaire avait cherché les compliments et les remerciements de M. Charlemont, il n'avait pas réussi. M. Charlemont était resté sans répondre, atterré, et une seule parole était sortie de ses lèvres. « Mon pauvre Jacques !» C'est justement à M. Fourcy, à sa douleur que j'ai pensé, et c'est ce qui m'a inspiré cette démarche. Ne faut-il pas qu'il apprenne la vérité ? Elle va l'écraser. Peut-être lui serait-elle moins cruelle de votre bouche que de la mienne. Le rôle que j'ai rempli dans cette triste affaire et que mon devoir professionnel m'imposait doit me rendre odieux à ce pauvre homme si rudement frappé dans son honneur et dans sa tendresse, car il adore sa femme, le malheureux. Vous, monsieur, il vous aime, il vous estime et il vous écoutera, comme il ne pourrait pas m'écouter, moi en qui il verrait l'instrument de cette catastrophe. Je vous demande donc la permission de me retirer. » Monsieur Charlemont n'aimait pas les scènes dramatiques, et il avait horreur des émotions violentes. Mais en cette circonstance, et pour la première fois de sa vie peut-être, il n'avait pas commencé par penser à lui. Son pauvre Jacques. Vous avez raison, monsieur. Il vaut mieux, en effet, que vous ne lui portiez pas vous-même ce coup qui peut le tuer ou le rendre fou. Et le commissaire s'était dirigé vers la porte, mais monsieur Charlemont l'avait retenu. Et si le malheureux veut voir sa femme, le pourra-t-il? Cela dépend de monsieur le juge d'instruction. Chapitre 40. Au moment où le commissaire aux délégations allait ouvrir la porte pour sortir, Fourcy était entré, mais le commissaire ne s'était arrêté que tout juste le temps de le saluer. « Monsieur Charlemont vous expliquera ce qui m'amenait, » dit-il en s'adressant à Fourcy. Et vivement il sortit sans se retourner. Cette brusque arrivée de Fourcy avait surpris monsieur Charlemont, qui n'avait pas eu le temps de se préparer. Il s'établit donc un moment de silence, et ils restèrent en face, l'un de l'autre, debout, sans faire un pas, à la place même où le commissaire venait de les laisser. Chacun se demandant comment dire ce qu'il avait à dire. Fourcy, la trahison de sa femme et de Robert, monsieur Charlemont, la culpabilité possible, et l'arrestation de madame Fourcy. Fourcy, trop profondément bouleversé pour réfléchir, ne pouvait faire un effort de volonté assez puissant pour ressaisir sa raison. Et monsieur Charlemont, en voyant le trouble désordonné de Fourcy, son agitation fébrile, sa pâleur mortelle, son tremblement, n'osait risquer une parole qui pouvait tuer le malheureux homme. Cependant, il fallait qu'il parlât, sous peine d'exaspérer cette angoisse déjà si violente. Se décidant enfin, il vint à lui, et brusquement, il lui prit les deux mains. « Mon bon Jacques, tu sais combien je t'aime, » dit-il. « Tu sais que tu n'as pas de meilleur ami que moi, et que quoi qu'il arrive, je serai toujours pour toi un camarade, un frère. » Sans répondre, Fourcy le regarda avec effarement. « Eh bien oui, c'est un coup terrible que je vais te porter. Je voudrais trouver des ménagements pour te l'adoucir, mais je suis si troublé, si ému. » Fourcy se cacha le visage entre ses deux mains, puis, après un moment, les abaissant à demi et courbant la tête, d'une voix brisée, il dit « Je sais tout. Ah, je viens de voir le bijoutier qui a vendu à Robert le collier de diamants qu'il lui a donné. Elle que j'aimais tant, la misérable, recevoir de l'argent de votre fils. » Et éclatant en sanglots, il se jeta dans les bras de monsieur Charlemont. « Ah, mes enfants !» Mais monsieur Charlemont ne répondit pas à cette étreinte désespérée. Abasourdi, consterné, il se tenait les bras ballants, se demandant s'il avait réellement entendu les mots qu'il se répétait machinalement, comme pour leur donner un sens. « Robert, l'amant de madame Fourcy ? La femme de son Jacques, la maîtresse de son fils ?» C'était bien cela que disait Fourcy, cependant. Sans bien savoir ce qu'il faisait, il murmura « C'est impossible !» Fourcy ne répondit que par un sanglot. Alors, bien que monsieur Charlemont ne fût pas expansif, il prit ce malheureux dans ses bras et comme il l'eût fait avec un enfant, il l'embrassa. « Mon pauvre garçon !» Mais tout à coup, il se dégagea et prenant Fourcy par la main. « Tu dis qu'il lui a donné un collier en diamant ? » s'écria-t-il. « Un collier de 60 000 francs. Et bien d'autres bijoux encore, sans doute notamment le bracelet qu'il a fait payer par la caisse. Tu en es sûr? Pour le collier, oui, je viens de voir le livre du bijoutier, et le bijoutier m'a dit qu'il avait vendu le collier que je lui représentais à monsieur Robert Charlemont. Eh bien, c'est Robert qui lui a donné aussi les 300 000 francs qu'elle a perdus dans les affaires Hennecart. Fourcy le regarda sans comprendre. Ah, c'est vrai, tu ne sais pas, s'écria monsieur Charlemont. Et comme il croyait n'avoir plus de ménagements à garder, En quelques mots, il expliqua ce que le commissaire venait de lui raconter. La perte des 300 000 francs dans les affaires Hennecart et le paiement de cette somme aux mains de la parisière en 300 billets de banque de 1 000 francs. Tu comprends maintenant où elle a eu ces 300 000 francs. Soit qu'elle ait remis un mandat blanc à Robert, soit que celui-ci, qui entrait dans sa chambre comme il voulait, se soit approprié ce mandat. C'est lui qui l'a rempli, qui l'a signé de ton nom, qui a touché la somme à la banque et qui la lui a donnée. Est-ce clair maintenant? Ne vois-tu pas comment les choses se sont passées? Cette femme, expliquant à son amant qu'elle a perdu 300 000 francs qu'il faut qu'elle paye sous peine d'être déshonorée, et celui-ci, dans un élan d'enthousiasme passionné, les lui promettant, les cherchant partout, les demandant à tous, et quand il n'a pas pu se les procurer, les volant à son père. Avais-je raison quand je disais que c'était lui? « Mon Dieu !» murmura Fourcy. « Oui, c'est horrible, horrible pour toi, horrible pour moi. Ta femme coupable, mon fils voleur. Ton honneur est le mien perdu. Et pourquoi ?» Ils restèrent quelques instants accablés, mais non également, car ce n'était pas seulement son honneur perdu que Fourcy pleurait, c'était aussi son amour, ses 20 années de tendresse, de confiance, de bonheur. De tout cela, il ne restait donc pour lui qu'un souvenir empoisonné. Tout à coup, M. Charlemont, beaucoup moins abattu et qui suivait sa pensée, s'écria. « Au moins dans ce malheur terrible, nous pouvons nous raccrocher à cela, qu'un fils qui vole son père échappe à la justice. Robert, coupable, rend la femme libre. Libre ? Les déclarations de la parisière l'ont fait mettre en état de détention. En prison ? Nous allons lui faire rendre la liberté. Robert, reconnu coupable du vol, l'affaire ne peut plus avoir de suite. Et fut-elle sa complice, l'eût-elle poussée à ce vol, que nous devons désormais n'avoir qu'un but, la faire reconnaître innocente par la justice. Sinon pour elle, au moins pour toi, pour tes enfants. Viens avec moi au palais de justice. Mais je ne te quitte pas. En nous hâtant, nous avons chance de trouver encore le juge d'instruction à son cabinet. Viens, viens. Et il l'entraîna. En route, Fourcy ne prononça pas un seul mot. Il était dans un état de prostration complète, un être inerte, une masse de chair affaissée dans le coin de la voiture. À un certain moment, M. Charlemont, effrayé de cette immobilité, lui prit la main pour s'assurer qu'il n'était pas mort, frappé par une congestion. Ce fut seulement en arrivant sur le pont Neuf que Fourcy sortit de cette stupeur. Alors, se penchant en avant, il regarda la rivière longuement et un soupir s'échappa de sa poitrine. « Je vous attendrai dans la voiture, » dit-il. « Je ne pourrai pas supporter les questions du juge d'instruction. D'ailleurs, que lui dirai-je » Monsieur Charlemont eut peur de le laisser seul, car il avait vu le regard que Fourcy avait jeté sur la rivière et il en avait compris l'expression. Il voulut donc assister pour l'emmener avec lui, mais Fourcy persista dans son refus. « Ne craignez pas que j'oublie mes enfants, » dit-il. « Pourrais-je les laisser à leur mère ?»« Je vais revenir aussi vite que possible, » dit M. Charlemont. Et en courant comme un jeune homme, il monta les marches de l'escalier du palais. Mais malgré sa promesse, il fut longtemps avant de revenir. Enfin, Fourcy le vit reparaître, et sautant en bas de la voiture, il courut au-devant de lui. « Eh bien, » cria-t-il de loin, « je n'ai rien pu obtenir. Il faut les aveux de Robert et sa comparution. Explication, supplication, offre de caution, le juge d'instruction et après lui le procureur général n'ont rien écouté. Heureusement, Robert, qui doit toucher demain à Londres un chèque que je lui ai fait envoyer ce matin, trouvera chez messieurs Bass et Crawford un télégramme qui le rappellera à Paris. Et peut-être demain soir ici. Rentrons au télégraphe que j'envoie cette dépêche. Et maintenant ? Demanda M. Charlemont lorsque la dépêche fut remise au guichet. Je n'ai dans mon trouble qu'une pensée. Les enfants, si terrible que cela soit pour moi, il faut que je rentre dans cette maison de nos gens et que je leur explique pourquoi leur mère est absente, car je ferai tout au monde pour qu'ils n'apprennent pas l'horrible vérité. Leur mère. Veux-tu que je t'accompagne? Je crois, autant que je peux croire quelque chose, qu'il vaut mieux que je sois seule avec eux. Eh bien, je vais au moins te conduire jusque chez toi. Mais à l'entrée du village, Fourcy voulut descendre de voiture. À demain, dit M. Charlemont en lui serrant les mains longuement à plusieurs reprises. Oui, demain, je vous dirai mes résolutions. » Marcel accourut à lui. « Ah, te voilà, » dit-elle. « Quel bonheur. Tu étais si troublé quand tu es parti que j'avais peur. Étais-je folle? Et maman ?» Il sentit ses jambes trembler sous lui, mais il se raidit. « Ta mère ne rentrera pas aujourd'hui. Elle reste à Paris. » « Tu me fais peur. » « Il ne faut pas avoir peur, ma chère fille. » « Elle est malade. » « Non, je te jure, tu entends, je te jure qu'elle n'est pas malade. C'est pour une affaire grave, que je t'expliquerai. Pour le moment, je ne peux rien te dire. Laisse-moi monter à ma chambre, j'ai quelques mots à écrire. » Il n'avait rien à écrire, il avait à crier sa douleur. Vivement, il s'enferma, il étouffait. Quelques instants de plus, et il ne pouvait pas résister à l'élan qui le poussait dans les bras de sa fille. Il était enfermé depuis assez longtemps déjà, lorsqu'on frappa à la porte. Il reconnut la voix de Lucien. Le fils, maintenant. Il alla ouvrir. Lucien se précipita dans la chambre. « Père, est-ce possible ?» Et il tendit un journal à son père. « Où est mère ? Elle ne rentrera pas ce soir. » « Alors c'est donc vrai ? Mais tu sens bien qu'elle est innocente. » « Ah, père !» Et Lucien se jeta dans les bras que son père lui tendait. Et sans parole, longuement, ils pleurèrent aux bras l'un de l'autre. Mais Fourcy ne put pas s'abandonner. « Pensons à ta sœur, » dit-il. « Je voulais lui cacher la vérité, mais maintenant c'est impossible. Il faut la lui apprendre. Tu me soutiendras, mon fils. »